50 languages. 80. Adjectif 3. Adjectif 3. لديها كلب. Elle a un chien. Elle a un chien. الكلب كبير. Le chien est grand. Le chien est grand. لديها كلب كبير. Elle a un grand chien. Elle a un grand chien. إنها تملك بيتا. Elle a une maison. Elle a une maison. البيت صغير. La maison est petite. La maison est petite. إنها تملك بيتا صغيرا. Elle a une petite maison. Elle a une petite maison. إنه يسكن في فندق. Il loge dans un hôtel. Il loge dans un hôtel. الفندق رخيص. L'hôtel est bon marché. L'hôtel est bon marché. إنه يسكن في فندق رخيص. Il loge dans un hôtel bon marché. Il loge dans un hôtel bon marché. إنه يملك سيارة. Il a une voiture. Il a une voiture. السيارة غالية. La voiture est chère. La voiture est chère. إنه يملك سيارة غالية. Il a une voiture chère. Il a une voiture chère. إنه يقرأ رواية. Il lit un roman. Il lit un roman. الرواية مملة. Le roman est ennuyeux. Le roman est ennuyeux. إنه يقرأ رواية مملة. Il lit un roman ennuyeux. Il lit un roman ennuyeux. إنها تشاهد فيلما. Elle regarde un film. Elle regarde un film. الفيلم مشوق. Le film est captivant. Le film est captivant. إنها تشاهد فيلما مشوقا. Elle regarde un film captivant. Elle regarde un film captivant.